Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal de la soirée dont voici les principaux titres. La facilitation dans le processus du dialogue inter-Burundi qui se déroule à Arusha assure que la sécurité des participants dans la session qui débute avec ce lundi à Arusha est garantie. Cela ressort du communiqué de presse sorti ce dimanche par Benjamin Mokapa. Mais du côté de Pierre Claver Mbonima, la sécurité reste non garantie. Mais au niveau de l'ICOM, une des 18 organisations de la société civile qui avait adressé une lettre au facilitateur Mokapa pour justifier leur absence vient de changer sa position. Vous entendrez dans ce journal Gabriel Rufiri. Le 26 novembre, journée internationale des enfants de la rue, l'association Youth Building in Sénégal de Poverty salue le programme du gouvernement burundais de retirer de la rue tous les enfants mendiants, mais demande au gouvernement d'envisager des mesures d'accompagnement à ce problème. Et les exploitateurs des produits Brahoudi de la commune Rumbongue, nous sommes au sud du pays, s'indignent contre la mesure administrative les empêchant de ce type de commerce. Le gouverneur de la province Rumbongue les appelle plutôt à se conformer à la loi. Vous entendrez Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Voilà pour le sommaire. Et mettez ça à mité, vous assure la mise en onde de la présentation. Vous êtes avec Placide Niomongue. Je vous le disais dans le titre, le facilitateur au dialogue inter-Burundi, le gouvernement de la République unie de Tanzanie, annonce que la sécurité de tous les participants à la quatrième session du dialogue inter-Burundi est garantie. Dans un communiqué de presse rendu public par le facilitateur Benjamin Mokapa ce dimanche 26 novembre 2017, Benjamin Mokapa a indiqué que cette session de dialogue qui débute ce lundi sera la plus inclusive possible. William Mokapa souligne également que les participants feront de sérieuses négociations au cours de ces deux semaines de dialogue. Le facilitateur Mokapa espérait que cette session finira par des conclusions satisfaisantes. En guise de ce communiqué, l'OLICOM, une des 18 organisations de la société civile burundaise qui avait adressé une lettre au facilitateur Mokapa pour justifier leur absence, vient de changer sa position. Gabriel Rufiri dit que leurs inquiétudes qui étaient fondées sur l'inclusivité et la sécurité viennent de trouver solution via ce communiqué de presse. C'est de la médiation, mais pour lui, dans cette session, cette organisation compte plaider pour que le processus de modification de la constitution burundaise soit inclusif. Suivez Gabriel Rufiri. Nos deux revendications viennent d'être exaucées parce que l'ICOM, comme d'autres organisations, avait soulevé des inquiétudes en rapport avec l'inclusivité et en rapport avec la sécurité. Mais cette fois-ci, officiellement, le bureau de la facilitation vient de nous rassurer. Donc, on est satisfait. Ça veut dire que l'ORICOM répondra à l'invitation. Ce qui poussait l'ORICOM à ne pas répondre à l'invitation, c'était par rapport justement à l'inclusivité. Mais il y avait d'autres qui parlaient des raisons de sécurité. Et nous pensons que cette fois-ci, c'est vraiment réglé. Il y a une question qu'il faut ajouter. Il y a ceux qui sont sous mandat d'arrêt. Donc, comme on le disait souvent, ce point-là, c'est un point qui est parmi les préalables. Il y a des défenseurs des droits de l'homme, il y a des journalistes qui sont sous mandat d'arrêt. Cela reste comme pour nous un préalable. Parce que l'une des parties ne peut pas poser des conditions. C'est le bureau de la médiation qui doit juger. Alors, l'ORICOM aujourd'hui part avec quelles préoccupations pour que la situation change au Burundi? La préoccupation, nous avons des préoccupations majeures. On fait la soutenance de l'accord d'Arusha dans tous ces 5 protocoles et ensuite on va militer à ce que la constitution soit amendée après un consensus, c'est-à-dire après un accord. Vous soulignez par exemple la question de constitution, mais le traité en marche au Burundi, est-ce que vous comptez qu'avec cette session, vous aurez à faire un pas en arrière pour que la révision de la constitution soit inclusive? La médiation a un rôle important d'écouter tout le monde et mettre tout toutes les préoccupations sur table afin d'avoir le consensus sur la Constitution. Parce que la Constitution, c'est la base de tous les textes qui sont utilisés dans le pays. C'était Gabriel Roussiri, président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques au Burundi, OLICOM. Mais du côté de Pierre Claver Mbonima, qui fut président de la ProDH, une organisation de la société civile qui a été radiée définitivement par le ministère de l'Intérieur burundais, malgré le communiqué de presse de la médiation, sa sécurité n'est pas garantie pour prendre part à cette session qui débute ce lundi pour 2 semaines. Le projet de loi portant sur l'après-bourse pour les étudiants et la gestion de la bourse d'excellence a été validé par le Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi 26 novembre 2017. Philippe Nzobonalibar, porte-parole du gouvernement burundais, indique néanmoins que la bourse d'excellence ne sera pas remboursée. Il ajoute qu'un autre projet de loi portant sur la mise en place d'une banque octroyant un crédit pour les jeunes a été également validé. Je vous prie de suivre le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonalibar. Le projet d'ordonnance conjointe portant conditions et modalités d'octroi, de retrait, de reconduction et de remboursement du prêt bourse et de la bourse d'excellence, dossier présenté par la ministre en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce projet intervient en application du décret du mois de février 2017 portant réorganisation du système de gestion des bourses, d'études et de stages. Il concrétise également une reconduction des états généraux de l'éducation du mois de décembre 2014 de revoir le système de gestion de la bourse d'études par l'introduction du système de pré-bourse pour s'adapter notamment aux pratiques régionales et internationales en matière de l'enseignement supérieur. Le Burundi étant l'unique pays au monde à encore attribuer des bourses gratuites aux étudiants. Pour rappel, le pré-bourse s'entre comme une assistance financière accordée sous contrat par le gouvernement sous forme de crédit sans intérêt pour la formation des cadres et qui est remboursable. Il est accordé aux lauréats des humanités générales pédagogiques, techniques et du poste fondamental qui ont réussi l'examen d'études. Ce système de pré-bourse permettra à un plus grand nombre de lauréats d'accéder à l'enseignement supérieur, car même ceux qui étaient limités par l'absence de moyens, car issus des familles pauvres, auront désormais la possibilité d'y accéder. La bourse d'excellence, quant à elle, est une assistance financière accordée par le gouvernement à titre d'encouragement au meilleur lauréat des humanités générales et pédagogiques, techniques et du poste fondamental et qui est généralement non remboursable, sauf dans certaines conditions. Ce projet vient donc de préciser les conditions et modalités d'octroi, de retrait, de reconduction et de remboursement de ces facilités accordées et précise aussi les montants octroyés. Le projet a été adopté moyennant quelques amendements. Les membres du Conseil ont analysé une note relative à la création d'une banque pour les jeunes, note présentée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. La jeunesse burundaise fait face à de nombreux défis de la vie. Ces derniers sont liés à la structure démographique, au sous-emploi et à la problématique d'accès au système financier existant. Le projet de création d'une banque pour les jeunes tire son origine dans la volonté du gouvernement d'appuyer les projets socio-économiques de la jeunesse et apporte une solution durable à ces multiples problèmes auxquels la jeunesse est confrontée. La note présentée propose que la banque soit constituée d'un capital mixte où l'État et ses démembrements détiendraient au moins 60% du capital évalué à l'ordre de 60 milliards de francs bourg. Le Conseil a pris acte du contenu de la note et a recommandé de poursuivre le montage du projet en veillant à ce que le taux d'intérêt soit le moins élevé possible. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, les déplacés, les résidents de la commune Buramata, nous sommes dans la commune Gihanga de la province Bubanza, disent qu'ils mènent une bonne cohabitation, mais qu'ils sont confrontés à la pauvreté. Au niveau de l'administration communale, on indique qu'on ne cesse de leur chercher des projets de développement. Les détails avec Spécialité Ascavagnana basée à Bubanza. Nous sommes sur la colline Buramata, communément appelée Mumhuzamihari. C'est le village 1 de la commune Gihanga. Les habitants de ce village vaquent à leurs activités quotidiennes. Certains sacrent le maïs, d'autres plantent le haricot. Un peu en aval, les champs de riz sont à l'étape de la floraison. Les habitants de ce village nous ont signifié qu'ils cohabitent pacifiquement des anciens déplacés et des résidents. Marie Nibaruta, une femme d'une quarantaine d'années, nous raconte qu'elle a été bien accueilli par les résidents dès son retour au village et que personne n'a même osé s'approprier de sa parcelle en son absence. Elle précise que les déplacés et les résidents n'ont aucun problème sauf la pauvreté qui touche tout le monde. De même, Bachamogwa Ngorazar, un résident, affirme que les déplacés ont été bien accueillis et qu'ils cohabitent pacifiquement. Celui qui manque un peu d'argent, de l'eau ou du sel n'a pas peur de le demander à son voisin, selon Lazar Bachamogwa Ngor. Le conseiller de l'administrateur de la commune Gihanga, chargé des questions administratives et sociales, confirme la cohabitation parfaite de la population de Buramata, mais aussi de toute la commune. Il y a eu des déplacements internes entre les collines et d'autres, mais je vous dirais qu'actuellement, ceux qui sont retournés sur leur colline d'origine cohabitent pacifiquement avec leurs camarades, comme pour toute la population, sans distinction aucune. La commune participe dans le développement de la commune. Actuellement, beaucoup d'actions sont menées au niveau des différents secteurs, que ce soit dans le secteur éducation, secteur santé, secteur agri-élevage, etc. Il défend Sébastien Trouabo, ajoute que les déplacés ont même actuellement oublié qu'ils l'ont été, et c'est suite à la bonne cohabitation avec les résidents. Spécialitas Kavanyana au village 1 de la commune Gihanga pour la radio Isanganiro. Merci, Spécie Caritas et Kabanyana et à Rumonge, Grognechil. Certains exportateurs des produits de la brasserie du Burundi Brahoudi via le port commercial de Rumonge contre la mesure administrative les en empêchant. Ils disent que leurs confrères congolais menacent de bloquer à leur tour l'exportation vers Rumonge du poisson moukeke grillé. Et le gouverneur de Rumonge les appelle plutôt à se conformer à la loi. Les précisions avec Jean-Pierre Misako. Ces commerçants burundais redoutent déjà que leurs confrères congolais ne cessent de leur fournir du moukeke grillé, un avertissement verbal déjà formulé si la mesure administrative suspendant l'exportation vers la République démocratique du Congo de la moustelle et du primus via le port commercial de Rumonge n'est pas levée. Alors que ces commerçants voudraient la révision de cette mesure pour renormaliser les échanges commerciaux entre Burundais et Congolais via ce port, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, les appelle plutôt au respect de la loi. Selon lui, l'exportation de ces produits brardi est régie par une loi. Il les invite à se confier à la Brarudi et ne plus s'approvisionner à partir des dépôts existants à Rumonge. Cette mesure date de septembre 2017, quand une pénurie de ces boissons se faisait sentir dans la ville de Rumonge et une réunion animée par le gouverneur de Rumonge a conclu que cette pénurie était consécutive à cette exportation illégale vers le Congo voisin. Une exportation qui devrait par conséquent être stoppée. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour clore l'actualité provinciale. KPC Ngozi, où au moins 2% du budget national devrait être affecté dans la création des emplois pour les jeunes. Cela ressort d'une rencontre des représentants des jeunes avec ceux des opérateurs économiques et des hauts cadres du gouvernement burundais. Rencontre visant à chercher comment trouver un remède au chômage élevé des jeunes au Burundi. Les précisions également avec Apollinaire Muzagar. Dans cette rencontre de ce vendredi à Ngozi, les participants ont demandé au gouvernement d'allouer au moins 2% du budget national aux activités créant l'emploi pour jeunes et que ce budget soit remis aux différentes communes. Les administrateurs des communes du Burundi sont à cet effet interpellés à avoir chaque année la liste des jeunes chômeurs de leur commune. Toujours dans cette optique, les administrateurs sont appelés a inventorié toutes les terres domaniales afin de les offrir aux associations coopératives des jeunes œuvrant dans le secteur agro-pastoral, cela en vue de trouver une occupation aux nombreux jeunes élèves qui actuellement arrêtent leurs études en 10e année fondamentale. Quant aux opérateurs économiques de ces provinces et de tout le pays, l'idée de mettre ensemble leurs actions pour mettre sur pied des macro-entreprises embauchant beaucoup de chômeurs jeunes a été évoquée. Et pour rappel, le FINUAP et l'association Rapid Action qui ont organisé cette rencontre d'échange ont indiqué que sur environ 11 millions de Burundais, 65% sont des jeunes et ces derniers sont appelés au changement de mentalité en se regroupant dans des associations coopératives. La représentante légale de Rapid Action, c'est-à-dire Anousiad, promet de relayer au gouvernement burundais les conclusions de cette rencontre d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Pauline Muzagara et nous marquons une courte pause avant de parler de cette journée du 26 novembre dédiée à la Journée internationale des enfants de la rue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et certains enfants de la rue en mairie de Bujumbura indiquent qu'ils mènent une vie difficile. Ils indiquent qu'ils ne savent pas où vivent leurs familles respectives et demandent au gouvernement de leur apporter une assistance pour ne plus appeler les enfants de la rue. C'est au moment où, le 26 novembre de chaque année, le monde célèbre une journée internationale des enfants de la rue. Je ne sais pas où ma mère vit. Elle a fait monter tous les enfants à l'intérieur du pays. C'est moi seule qui rester dans la rue. Je vis dans de mauvaises conditions. Les jeunes garçons me frappent. Je demande quelqu'un qui peut me trouver là où habiter et payer pour moi les frais scolaires et cette personne en parle avec ma mère. Moi, mon père est décédé et ma mère est une mendiante. Je veux aller à l'école et aller vivre avec ma mère. Je ne veux plus vivre dans la rue. Nous voulons qu'on aide les enfants de la rue afin qu'ils n'y retournent plus. Et c'était quelques enfants de la rue qui se sont exprimés sur le micro-trottoir de la radio Isanganiro. Et la pauvreté dans les ménages, c'est l'une des causes majeures qui pousse les enfants à errer dans les rues, indiquent certaines associations qui aident cette catégorie d'enfants à survivre. En cette journée du 26 novembre dédiée à la Journée internationale des enfants de la rue, Amandine Canez, chargée du suivi de l'intégration scolaire des enfants de la rue, prise en charge par l'association Youth Building in Synergy de Poverty, déplore la situation de ces enfants défavorisés. Ces enfants de la rue, on les aide en leur donnant à manger, en leur faisant comprendre que leur place n'est pas dans la rue, leur place est à l'école. Vous leur donnez à manger tous les jours? Non, on leur donne à manger chaque dimanche. Ils viennent, avant de leur donner à manger, on leur parle, ils nous disent de quoi ils ont besoin, leurs problèmes, et puis après ça, on leur donne à manger. Vous leur donnez à manger chaque dimanche, et ils sont dans la rue du lundi à samedi, ils disent qu'ils sont dans la rue, pourquoi? Pour nos enfants, ils sont à l'école du lundi au vendredi, seulement ils reviennent dans la rue les samedis. Ils disent qu'ils n'ont pas de quoi manger, qu'ils viennent à la rue parce que leurs parents leur disent aller dans la rue chercher à manger puis revenir. Et les parents, ils sont où? Les parents restent à la maison. Ils ne font pas d'efforts pour chercher eux-mêmes de quoi manger, de chercher de la nourriture pour leurs enfants, leurs propres enfants. C'était Amandine Canez, chargée du suivi de l'intégration scolaire des enfants de la rue, prise en charge par l'association Youth Building in Synergy de Poverty, et qui était au micro d'Evariste Nzikobanyanga et Arnaud Igor Igiliteka, chargé de la communication au sein de cette même association qui prend en charge 70 enfants de la rue et une centaine des indigents, salue le programme du gouvernement de retirer de la rue tous les enfants indigents et les enfants de la rue, y compris Arnaud Igor, demande au gouvernement burundais d'envisager des mesures d'accompagnement à ce programme pour qu'il puisse réussir avec succès. D'une part, c'est une bonne chose. Je vous ai dit qu'il y a des mamans qui le font comme un business, ceux qui envoient leurs enfants dans la rue. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas de les booster hors de la rue sans trouver la réponse à ce qu'ils feront après avoir été chassés de la rue. Je crois que c'est bon, je crois que c'est une première étape, mais l'étape la plus primordiale, c'est comment essayer de ne pas les chasser et créer encore une frustration. Parce que si tu les chasses de la rue sans les donner, de quoi faire, de quoi remplacer, je vais les appeler les revenus qu'ils tiraient de la rue. Il y a un paradoxe. Tu trouveras que ce sont ces mêmes femmes qui n'ont pas de moyens, qui mettent au monde beaucoup d'enfants, qui à la longue vont aller dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas de revenus propres. Il faut surtout que l'État s'implique davantage dans ce phénomène de planning familial et de lutte contre la pauvreté. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussamité Abouti pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Placide Denis Mungere. Bonne soirée dominicale à tous. Au revoir.